Ouais, mais vous avez eu beaucoup d'avance. Beaucoup de Mustapha dans non. Combien t'en as fait? Au moins 15 000. Non, jamais compté. Tu rends compte si t'avais eu 100 francs? Ah ben que... Oui. Hein? Ah ouais. Tu ferais pas cette émission. Bon, sur le service TBM, donc le choix d'une de fiel, 3615 TBM, vous avez aussi des tests pour savoir si vous savez draguer des meufs, si vous savez virer une meuf. Si vous êtes un bon dragueur, si vous êtes un mauvais dragueur, si vous êtes une andy, vous un mec bien. Et pour les filles, vous avez aussi des tests, si vous savez draguer, pas draguer, et si vous êtes un bon coup, une midinette, une salope. Voilà, suite à une vingtaine de questions, on arrive à vous infliger un profil que vous lirez et vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc dessus? Ah oui, il y a toujours le jeu du lèche-chatte, c'est un quiz. Le jeu des insultes, qui vous permet de vous rapprocher lorsque vous répondez bien aux questions de la chatte et vous la léchez, vous la sucez, vous... Il y a le concours des insultes et tout. C'est un service complètement débile, c'est comme l'émission de radio. Et c'est 3615 TBM, 3615 TBM, vous pourrez y aller après l'émission. Et vous faites le choix, l'une de fiel. Et là, c'est 24 heures sur 24. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oh, je connais cette voix. C'est Alice. Alice. C'est ça? Oui. Alice, tu réponds. Alors, voilà mon fantasme. Enfin, j'ai déjà appelé deux fois. Oui. C'était de voir un homme chier sur un plateau d'argent. Oui. Donc, et tu n'as jamais trouvé. Histoire. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire au revoir. Oui. Je vais vous dire que je suis très déçue que vous arrêtiez. Ah. Et donc, grâce à vous, j'ai rencontré mon chieur. Non. Oh. Et si, bien sûr. Et alors, est-ce qu'il chie bien sur le plateau? Ah oui, c'est divin. Alors comment tu... C'est fameux. Oh, quel bonheur. Oh, c'est du bonheur, chérie. Mais un étron sur un plateau d'argent. Voilà. Et alors, tu dois adorer quand on parle de merde. Ah bah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai entendu, j'en bavais presque, quoi. Non, t'en as perdu tous tes chicots. Voilà, exactement. Et alors, donc... est-ce que tu peux rafraîchir la clientèle? Elle a besoin d'être rafraîchie, je veux te dire. Est-ce que tu peux rafraîchir la clientèle en nous expliquant de quelle façon ça se passe? Portez-nous un rafraîchissement. Bah, c'est-à-dire que lui, c'est un sadomaso. Oui. Donc, tout d'abord, au début, il a voulu manger ma mère. Mm-hmm. La manger? Oui. À faire un... Oh là là. Donc, ça, il l'a fait. Et bon, après, moi, j'en ai marre. Je lui ai dit, c'est à toi d'exaucer, c'est mon vœu. Mais ça te dérangeait pas lorsqu'il avait bouffé ta merde, que tu lui roules une pelle après? Non. Alors donc toi tu bouffais un peu de la merde? Oui, enfin oui. De toute façon j'aime ça, j'en ai déjà mangé. Et le goût est comment? Divin, exquis. Enfin on peut pas le décrire, c'est chaud, c'est bon. Ça se rapproche de quoi? D'un nougat, d'une un bimo. Boudin antillais. Un boudin antillais. Mélangé avec des épinards, hein. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Oui. Mais c'est pas sucré. C'est pas sucré, mais la consistance, là. Ça dépend ce qu'on a mangé aussi. Voilà. Ah, des aliments. L'aliment, ça dépend beaucoup de la... Non. Du goût, oui. Ouais. Et alors... Faut mettre les droits de range, hein. Et alors, dis-moi, est-ce que tu préfères... des grosses merdes moulées ou des merdes bouses, style pas trop liquide, mais style, vache. Glace à l'italienne. Glace à l'italienne. Bah oui. Moi, par exemple, je fais des très très très jolis étrons. Ouais. Bien moulés. Ils sont sublimes, bien moulés, et je les fais en deux fois. Il y a le gros d'abord qui sort. Ouais. Et alors, la virgule. Ouais. Il y a le gros d'abord qui sort. J'ai beaucoup de mal parce que je suis très très serré. Je suis très très étroit. Tu sais, Zaza. Ah, ça c'est vrai, j'ai vu une photo. Ouais. J'ai vu, c'est très beau. Tu sais, je suis presque handicapé parce que mon trou est vraiment très très très serré. C'est incroyable. 39 plis. Voilà. Et j'ai beaucoup de mal à faire. Alors moi, ça se fait en... Il y a le gros étron. Oui. Alors, tout dépend de ce que j'ai mangé, si j'ai beaucoup mangé la veille et tout, mais... C'est le premier étage de la fusée. Voilà. Alors il sort et il brille et il est en pointe. Tu sais, à la fin, ça se termine en pointe. Oui, oui, oui. Et ça, c'est sublime. Et après, il y a la deuxième petite, le rejeton. Oui. Le suivant, l'enfant. L'enfant du premier. Et là, celle-ci, je m'en occupe jamais. Mais par contre, des fois, je sors et je regarde dans la ce sublimissime petit. Parce qu'en fait, comme je ne peux pas avoir d'enfant, oui. Moi personnellement, parce que j'aurais bien aimé être enceinte, eh bien, je considère ça comme mon enfant. Ah, tu peux te attacher les ovaires là. Et à la gorge. Ah oui, les ovaires dans ta gorge. Non. Comme ça, tu peux avoir un enfant par la gueule. Ah, voilà. Ça évite le transit de chat. Et si je mets, à la place de deux ovaires, je mets deux œufs verts. Ben, ça fera des enfants... Deux œufs que j'aurais mis d'abord dans ton cul, chat. Deux œufs verts. Oh, ben, ça fera des jolis enfants. Des futurs prix Nobel. T'as été dégueulé, toi, hein? T'es toute blanche. Ah, dis donc, t'as appelé Ursule. Oui. Ursule. Le hein? Point virgule. T'as eu le temps d'aller jusqu'aux chiottes? Oui. Parce que dis donc, t'avais les gros yeux, on aurait dit que tu soufflais dans une trompette hein, quand t'es parti pour aller au Tine. Hein? T'as retenu le dégueulis? Ah, dis donc, et quand c'est de la bile, c'est très très dur à garder dans la gorge. Hein. C'est affreux, ça brûle, et après ça retombe dans les poumons. C'est une horreur, et après ça commence. Comme le problème de... comment elle s'appelle? Crainte, c'est ça. Et... Un jour, elle était droguée raide par terre, elle est tombée la tête en arrière, elle a dégueulé sa bile, et c'est passé dans les décollements de la rétine. Décollement de la rétine. Bon, on va passer à un auditeur en ligne. Allô ? Oui, bonjour. Oui, c'est encore... Ah ben oui, elle est toujours là. Mais Alice, oui, oui. Alice. Surtout que j'ai un remix pour vous. Ah. Et en particulier pour Zaza, parce que c'est un remix du disque de Rachid. Ah oui, c'est qui Rachid? Le petit là? Le petit chanteur là. Oh, il est très mignon. Voilà. Ah, alors okay. On se moque pas de lui, hein. Ben non, puisque je sais que Zaza l'adore. J'adore Rachid. J'ai la musique aussi, si vous voulez. Alors, ouais. Passe tout, parce que nous on peut pas passer. On va dire, oui. Passe tout, d'accord? Alors, bon, je prépare et je vais chanter. Voilà. Ah voilà. En direct, tu dis. En direct, tu te rends compte? Comme chez Jacques Martin. Voilà, la balance son est bonne. Rien, elle me suce à deux doigts, me prire la pine. Reste vite pas, j'ai les petits coups qui suivent. Un peu dur, un peu molle, je bande et je jouis. Je l'ai baisé, mise en cloque, et puis je suis parti. Elle jouissait sur la table en suçant mon radar. C'était comme du champagne qu'elle avalait dardard. Non mais c'est sa pine, toujours en gémissant. Je te dis pas la belle pine, c'est les grosses en bandant. La fille que j'ai baisé, j'aimerais qu'elle lui apporte quand je lui roule une pelle. Elle était baisable, qu'elle avait la chatte basse. J'ai les deux mains dans sa miche, sous mon flic c'est la passe. Voilà. Oh, bravo, ouais. Oh là là. J'ai entendu la musique quand même. Parce... Non. La balance était très bonne, mon petit t'as chien. T'as fait un tabac. Eh bien, je peux te dire tout de suite, Alice, que tu pars pour Bogota. Génial. Et tu fais toute ma première partie. Et tu laveras les rideaux. Non, tu feras la levée de rideaux. Oui. De Zaza à Bogota. D'accord. Tu partiras avec Benoît qui m'a. J'arriverai avec mon plateau d'argent et Zaza sera dessus. Quand on y aura des... La petite Caroline part avec toi aussi, Zaza. Oui, viens... la petite Caroline et son papa vient aussi. Et Gédéon. Le papa vient aussi. Gédéon, il n'est pas là, Gédéon. C'est un dégonflé. Ah, Gédéon vient. Pas venu. C'est pas sympa. Ah. Un chardeur pour l'enfer. Et bon. Pascal, il n'est pas rentré. Pascal rentre le 28. Et elle rentre à pied, alors évidemment. Comme elle vient de Vienne. Bon. Vienne en Autriche, pas Vienne, mais... Oui, qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Non. Ah. Voilà, et c'est comme tentacule, encule ta tante, hein. Voilà. Et enjamber une pute et amputer une jambe. Panne de micro et pile de macro. Voilà. Pile de boîte et poil de bite. Et puis, il faut pas confondre, hein, parce qu'il y a coco et haricot. Mais, en fait, de coco, j'ai rien vu ce soir. Ouais. Tu m'avais bien dit pourtant, hein. Hein, coco. Et il y a amour, là. Amour et tambour, et ça se joue pas avec les mêmes baguettes. Ouais, faut pas confondre coco et haricots, mon pote, c'est pas du tout, mais c'est vrai. Ouais, t'as pas eu de coco, là? Non, il n'y a pas eu. Bah, t'auras des haricots. Bah, Nous avons... ah oui, ben on va te laisser. D'accord, alors... Mais Alice, vraiment, écoute, une carrière dans le... Dans la chanson, elle s'impose. Ça nous quand même, c'est un message de plus authentique que Stéphanie de Monaco. Ça nous lichavait les deux couilles masquées. À qui? C'est un message personnel. Ah d'accord, il se reconnaîtra. Voilà. Ça nous fait beaucoup de peine que vous arrêtiez votre écoute. Oui. Parce qu'en fin de compte, on va se quitter, ça nous fait beaucoup de peine. Moi aussi. Et je suis profondément touché. Le visage baigné de larmes. Je suis un océan. Je suis blessé. Une rivière. On va se noyer bientôt. J'ai maigri de 7 kilos. 4 mois à l'hôpital américain, chérie. Une fortune, plus cher que le Plaza. Une horreur. C'est une horreur. Hein. Chérie, c'était divin. 12 ministres dans le salon. Le conseil m'attendait. Président, ne pouvait pas commencer. Bon, c'est pas le tout, mais on travaille. Bon, non. Allez, on te laisse, Alice. Je vous embrasse. Au revoir, Alice. Merci infiniment. Au revoir. Chérie, tu vas écouter le disque du petit Florent. Tu vas tomber raide, c'est à mourir. Ouvre tes oreilles, chérie. La France entière, le Canada le réclame. Ils viennent UNESCO, tous. UNESCO, chérie. Ils ont dormi dans ma chambre. Foucault, Sabatier, ils voulaient pas partir. Ils voulaient le petit pour les caméras. Oh. Trucker, sur mon paillasson à 5h du matin. C'est une horreur, chérie. Il les voulait, chérie. J'ai pas dormi depuis un mois. Je l'aurais dit, non. Je suis vieille comme les rues. Je ne marche plus. J'adore être vieille comme les rues. Ça serait beau. Vieille comme les rues. J'ai l'impression que les rues existent. Ah ouais, surtout si c'est la rue de la Goutte d'Or. C'est pas parti. C'est que j'ai très... Et en plus, vieille et sale comme les rues. Oh là là là là. Tu te rends compte. L'impasse du cornet. Oh là là là là là. C'était épouvantable. Sinon, j'ai vu une chose affreuse tout à l'heure à la banque. Oui. De l'argent. Non, à Banque Club. Non, à banque. À la banque. À la banque. Mmh, alors j'ai vu un homme. Sans arrêt, non mais là je te un jure. Un homme habillé en femme. D'une saleté immonde. Hier, j'en ai trouvé un au parc Monceau. Mais alors attends, j'ai une vu horreur. Sortir de ses oreilles, tu sais quoi? Non. Une fournisseuse de caramel. Tu sais quoi? Mais j'ai été dégoûté, j'ai reculé de 3 rangs. Je pouvais pas voir ça. Non mais je te jure, c'est la tête de ma mère. Il avait les oreilles poilues, mais t'as l'impression qu'on avait mastiqué avec du caramel ses oreilles. Et sans arrêt, il était un. C'est... Mais non mais c'est vrai. À la banque. À la banque, une horreur. Et il y a des gens sales comme ça. Et en fait, tu te dis mais putain, mais. Une bonne femme ou un mec qui baise avec et tout, tu veux lui faire une petite lichette à l'oreille et tu tombes là-dessus parce que moi j'ai déjà goûté quand j'ai touché mes oreilles, après j'ai mis dans ma bouche, c'est dégueulasse, le goût est acide, tu sais toi aussi Catherine, t'as dû le faire. Bah elle a tout fait Catherine. Bon, vous aussi, vous savez que c'est dégueulasse, ça crotte l'oreille. Bon, vous avez déjà essayé de vous sucer la bite aussi. Ouais, voilà, bah oui. Voilà. Et il y en a qui disent non et quand ils sont au téléphone, ils disent oui, ah bah oui, après tout, ouais, c'est vrai. On a déjà essayé en vrai. Mais ça veut pas dire que vous êtes pédé. De toute façon, il n'y a que ceux qui se font enculer qui sont pédés. Ceux qui enculent, ils sont pas pédés. La chèvre, elle est pas là. Hein. Ah, la chèvre nous manque beaucoup. C'est vrai? Elle est pas là, la chèvre. Non. Ceux qui enculent, ils sont pas pédés. C'est ceux qui se font enculer qui sont pédés. Et on parle pas aux enculés. Ah, moi, je parle pas aux enculés. Hein. Eh ben, tu dois pas croiser beaucoup de gens, hein, je te dire. Attendez, je vais dégueuler un peu parce que... Ah, bah, c'est... Alors il n'est pas bon. Quoi donc, Abdullah Fondullah Bessali Pros Metallic. Pour l'instant, tu m'as pas encore invité à dîner. C'est le tarpé. Ça me fait pas dégueuler le tarpé, ça me fait péter. Là, j'ai pas encore pété, là. Je me suis bien tenu. Nous avons un auditeur ou une auditrice en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Salut. Salut. Alors, c'est la fin? Eh oui. C'est la fin. C'est le grand malheur. C'est les boules, hein. Bah alors, moi, j'appelle pour le grand mouvement populaire que sont les étudiants qui vont demain avoir leur bite en berne. Ah. Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut en foutre partout du lune de fiel. Oh là. À l'hôpital. À l'hôpital, à l'école et tout. Bah, vous en mettez sur les tables et vous mettez adieu lune de fiel. Ah oui, il faut qu'il y ait une solidarité là dans le mouvement de... On te regrettera. Oh, et puis nous, ça nous fera plaisir parce que, dis donc, on vous a consacré 3 ans de notre vie gratuitement. Bon, on a été payé par la radio, mais vous, vous n'avez rien casqué. Hein. C'est horrible. Il faut savoir que dans les... Moi, je suis étudiant dans le quartier latin. Oui. Et depuis que Lune de Ciel existe, tous les... depuis que c'est le mardi, tous les mercredis matin, les seules discussions, que ce soit à la Sorbonne, que ce soit dans les prépas, que ce soit aux mines, c'est David et Zaza. Mais alors, c'est les filles ou les garçons? Ah, alors, il n'y a aucune distinction. Les filles, la seule différence, c'est que les filles n'en parlent pas entre elles, elles ricanent quand elles nous écoutent, parce qu'en fait, elles sont toutes au courant. Elles savent de quoi vous parlez. Exactement. Elles jouent les petites cochonnes, mais en fait, elles savent très bien ce qui se passe. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est pas seulement les lycées, c'est aussi les foyers. Moi, j'ai une copine qui est au foyer des mines, rue Saint-Jacques. Ouais. Et c'est pourtant un foyer de filles qui est assez surveillé. Et le mardi soir, c'est l'incartade générale, tout le monde se met... au poste et avec se des font la gueule. Avec des Walkman tout ce qu'il y a sous la main. Non, les Walkman, parce que les Walkman c'est individuel, il faut des trucs en commun pour se bidonner. Ah oui. Il faut savoir aussi que tous les foyers, mais même les foyers religieux, hein, moi j'ai une autre copine qui est dans un foyer chrétien. Mm-hmm. Moi mon mari est la Sonacotra, c'est un foyer algérien. Oui, ben ça ils ont mal supporté. Les foyers d'immigrés, ça se vend très bien. Et la moi, Catherine, elle a des lunettes, c'est un double foyer, elle. mais dis-moi, lorsque... Tu sais, des fois, lorsqu'on fait l'émission, nous, il y a des trucs, des fois, entre moi et Zaza, des conneries qu'on se dit, mais je suis seul à comprendre ce qu'elle dit, et elle est seule à comprendre... 14 ans de vie commune, quand même. Parce que, bon, des fois, elle fait une imitation, ou moi, j'en fais une, mais on imite quelqu'un qu'on connaît. Mais que personne doute. Mais quelqu'un de ridicule. Mais que personne ne fait mal. Quand tu délires, par exemple, quand on délire autour du poste, on s'en fout de ce qui se passe. L'important, c'est qu'on ait l'occasion de se marrer, de se fendre la gueule. Oui, mais par exemple, elle va me dire un truc, bon, qui n'est pas spécialement marrant, mais qui est amené gentiment. Et moi, je vais tomber. Non, jamais gentiment. Et moi, je vais tomber toujours très méchamment. Je vais jamais gentiment. Je vais tomber par terre de rire parce que, bon, ben, elle m'a surpris. Mais est-ce que vous en profitez aussi quand vous entendez... Quand on délire tellement, quand on a une heure et demie d'émission dans la gueule, on délire tellement que n'importe quoi fait rire, quoi. Après, on se raconte des blagues qui sont pas du tout marrantes et on se fout à la gueule. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est quand même... Moi, quand je suis drogué, c'est ça, comme. Et enfin, j'ai eu pris dans ma vie avec un comédien qui s'appelle Philippe Léotard, non? Oui. Oui. Je vais dire, j'ai jamais touché à ça. Je reçois beaucoup de courriers... d'auditeurs qui me parlent de la drogue et tout, et j'ai pu comprendre à travers leur courrier que oui. Ouais, mais l'étudiant du lycée du quartier latin oui. A pour drogue David et Zaza le mardi. Ah voilà. Là, par exemple, tu peux pas comprendre parce que t'entends tout le monde rigoler. On vient de lui passer quelque chose. Là il faut une caméra. Oui. Vas-y, raconte. Ah ben non, je peux pas. Tu es joueuse. Non. Tu me fais des choses. Non, parce que je disais, je ne touchais à rien, et puis on me passe quelque chose entre les mains. Ce petit étudiant, habitué. Ouais, non, vas-y. Pour la dernière, on voit le paquet. Ouais. Ben, on m'a passé un tarpé dans la hame. Et alors? Et j'étais, j'étais en train de parler. Ça n'arrête pas. Tu avais suivi, c'était marrant, mais c'était marrant que du studio. Zaza est largué, il a complètement... Ça fait rien, c'est quand même... Et personnellement, il faut que je vous remercie, parce que moi j'habite près de Valoris, je ne vous appelle pas, c'est donc près de Cannes. Oui. Et donc là-bas, ils ne captent pas, ce sont des frustrés de David et Zaza. Non mais ils connaissent, j'ai fait passer des cassettes. Oui, moi aussi, et grâce à ça, j'ai réussi à me taper plusieurs jeunes filles à qui j'ai fait écouter David et Zaza. Ils connaissent tous maintenant. Ah oui, mais il faut absolument trouver un réseau national pour émettre Lune de Fiel. Mais alors, lorsque tu fais écouter à quelqu'un une émission pour la première fois, tu l'as enregistré, t'appelles une fille, tiens, tu vas écouter ça. Et tu dis quoi, sur 10 filles, quelle est leur réaction? Bon, au début, c'est tout pareil, c'est dégueulasse et tout. Et puis j'en ai retrouvé une, je suis retourné chez elle, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le métophone, la cassette que je lui ai filée de David et Zaza. Elle l'a épluchée. Exactement. Et par contre, un truc qui m'est arrivé qui est vraiment marrant, c'est que je me suis tapé donc une nana grâce à Lune de Fiel, elle avait écouté, alors c'est sympa et tout, bon, elle avait commencé à me mettre les mains où je pense, et il y a la mère qui est rentrée, parce que la mère était profession libérale, donc elle rentrait à n'importe quelle heure, elle était tout bim, et qui nous voit, bon, moi, elle était en train de me tailler une grosse, et la mère qui dit à la fille, bon, ma chérie, quand tu auras fini, tu viendras me voir. Et la mère, après, avec la fille qui écoutait Lune de Fiel, puisqu'elle m'avait convié à écouter une émission que je n'ai pas pu écouter, parce que j'étais à Cannes. Non, ah, oh là là, ça c'est du chouette. Non mais c'est vraiment, demain le quartier latin va être en... En deuil. Oh là là, c'est horrible, j'ose même pas y penser. Dans un point vert. Un mercredi noir, chérie. Oh, c'est horrible. Et là tu représentes quelle classe, toi? Alors, non mais alors si tu veux, je représente toutes les prépas. Ouais. En particulier les prépas Montaigne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin aussi? Il y a Lavoisier. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je peux passer un truc personnel? Bonjour à Steph Kuhn et Géba, qui sont des fous de David et Zaza. Je ne dirai pas leur nom. Merci. Mille grâces, merci pour ce César. Merci. Pourquoi on ne récompense pas Lune de Fiel au 7 d'or? Pourquoi Anne Sinclair ne nous roulerait pas un patin à David pour lui dire la plus belle émission qui nous a fait mouiller toute notre vie? Ah non, pas Anne Sinclair, David s'approche. Alors de lui belle Anne Sinclair. Mais David a l'air de tenter dans tous les tours. Non. Ah ouais? Il nous faut quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Alissa Pritch. Par exemple. Un gros chèque. Madame Soleil. Ah, bon. Madame Soleil, pas mal. Ah, voilà. Georgette Lemaire. Oui, c'est un peu dur, ça. Bah, Daniel Gilbert, aussi. Daniel Gilbert, oui. Mais laissez-la tranquille, la malheureuse. Arrêtez de tirer sur les ambulances. La pauvre, tu n'as plus de doigts, il faut confier de bague. Ah oui, dans les pays au moins arabes, c'est très bien, j'ai Khomeini. Ah bah tu Alors, voilà, t'es péché, t'es puni par où? Eh bien, on devrait couper les mains à Daniel Gilbert. C'est ça comme là-bas, non? Les voleurs, on leur coupe. Elle, on lui couperait les doigts, on laisserait le moignon. Mais elle s'emmerdait après. Un moignon, bah chérie, voilà. Lui faire du fric. Il lui reste pas l'autre mort, alors. Bah dis-moi, ouais. À nous, qu'est-ce qu'il faudrait nous couper, alors? Bah toi, t'aurais plus de bouche, t'aurais plus une main, plus de pied, t'aurais plus une femme tronc. Mais moi, je te mettrais devant une église. Ah, il y aura encore des gogos qui donneraient. Je te mettrais devant une église. J'ai toujours fait sur le trottoir, hein. Je fais chez c'est ma mère, j'ai faim. Voilà. Maman a faim. Il n'y a pas de bouche. Il faut absolument vous assurer la suite de Lune de Fiel, sinon ça va être la déconfiture dans l'éducation nationale. J'ai le ministre, j'ai Lionel ce matin au téléphone en larmes. Ah ouais, c'est sûr, ça. Moi, je comprends. Benoît, j'ai trouvé son témoignage super, mais qu'est-ce qu'il va devenir à la fois quand il n'y aura plus Lune de Fiel, hein? Ah bah, je crois qu'il lui, il va fonder des Lunes de Fiel lui-même, je crois. Il y avait eu un projet dans mon lycée, donc à Montaigne, de fonder clandestinement une association pour écouter tous les mardis soirs David et Zaza, Lune de Fiel. Ça s'est pas fait. Il y avait eu à l'ESSEC aussi, l'ESSEC, École supérieure du sexe et de ses composants, c'était sympa. Mais vraiment, c'est la déconfiture. Ah. Ça nous fait beaucoup de peine et en même temps plaisir. Voilà. On sait qu'on peut apporter quelque chose. Ah, j'ai appris plein de trucs. Hein. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Non, mais j'ai dit à ma petite Catherine Barma, combien? Oui, ça, oui, ça, j'ai eu mon... Oui, non, oui. Pas question de... Docteur Ruth, s'il vous plaît. Non, le docteur Ruth, pour l'instant, est parti chier. Et David, tu te souviens, il y a deux ans, tu avais donné un conseil pour pour pas faire de bruit quand la dope tombe dans l'eau. Oui. Ah oui. Est-ce que tu peux dire que ça a été suivi. Ouais. Ben voilà, enfin, bon, c'est évident. Le coup de mettre... est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce qu'il y en a qui le font autour de toi? Ah ouais? Bah, je vais rappeler. Dans un couple, imaginez que vous rentrez un jour avec un mec, avec une fille, vous rentrez de boîte et tout, vous habitez un petit studio, les chiottes sont carrément sur la chambre et tout, la porte des chiottes n'est pas très très épaisse et vous avez envie de chier. Bon. Le mec, bon, va chier. Imaginez, mesdemoiselles ou messieurs, si votre partenaire va au shot et vous entendez, lorsqu'il va au shot, carrément la débourrade, le... et le floc. Mais ça, je vais vous dire, ça tue l'amour. Surtout si vous connaissez pas la personne depuis longtemps. Si vous connaissez la personne... Putain, elle exagère. Je la ramène chez moi, elle vient chier juste avant que je la bourre. Je mets Vivaldi sur la hi-fi, et d'un seul coup, je peux aller faire caca. Imagine... Avec Vivaldi, les quatre saisons. Bien tout, ambiance feutrée. caviar sur la table, champagne, et l'autre, la pétasse, qui vient de bourrer dans mes chiens. Petit coin. Où c'est Style, elle va pisser. Même pas, style, elle va pisser. Style, elle va regarder. C'est une commodité, chérie, c'est divin, c'est du vénilien, qu'est-ce que c'est? Et alors, le problème, c'est que il faut pas que la mère tombe et fasse de bruit, parce que ça tue l'amour. Imaginez votre partenaire que vous venez de rencontrer, que vous ne connaissez pas encore beaucoup, qui vous a pas encore pété dans la gueule, qui vous a pas encore fait toutes les démarches qu'un couple marié on peut faire dans leur vie. Oui, le couple marié, le mec il chie carrément la porte ouverte, il chie sur le fauteuil. Il y a 14 ans que je l'ai avec David, je peux te dire qu'il chie au milieu du salon, partout. Mais quand on connaît quelqu'un, on chie partout. On est un vieux couple, on se gêne pas. L'autre jour, dans le compotier, je faisais des confitures, c'était divin. Moi, je vais t'expliquer ce que je fais. Lorsqu'il y a un voisin, ça c'est entre parenthèses, un voisin qui me fait chier, ça vous devriez le faire. Quand vous avez des voisins qui vous font chier, vous chiez dans un papier journal, hein, et vous allez sur son paillasson, et vous foutez de la merde bien étalée sur le paillasson et sur la porte. Bien beurré. Déjà, le paillasson... Tartiné. Imagine un paillasson avec plein de merde dedans, tu peux plus l'enlever, t'es obligé de le jeter. Et la porte, imagine le mec qui est en train de nettoyer la merde, qui sait que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a été frotter son cul contre la porte, il sait que c'est quelqu'un qui a étalé de la merde sur la porte. C'est affreux, hein, ça. Et alors... C'est affreux. Il sait que c'est quelqu'un, parce que... Imagine, juste de la merde sur le paillasson, ça pourrait être quelqu'un, bon, un chien qui a chié. Mais là, c'est la merde que t'as étalée sur le paillasson et bien sur la porte. Alors tu sais que c'est quelqu'un qui a fait ça, c'est une horreur. Alors tu dis, mais qui c'est qui a fait ça? Et il faut que tu prennes une éponge. Et c'est l'éponge de la maison. Et après, il faut que tu prennes un torchon et t'es obligé de jeter tout ça. Mais qui va nous apprendre ça après que la lune de fiel soit finie? Mais chérie, quand j'étais petit... J'ai été enculé à la naissance. Non, ça n'a pas changé. Et le pire aussi, mais là, si c'est vraiment quelqu'un qui vous fait chier, vous remontez jusqu'à la poignée. Oh là là là là là là là là. C'est abominable. Vous remontez jusqu'à la poignée, mais il faut vraiment que ce soit méchant. Et puis vous recommencez tous les jours. Jusqu'à temps que la personne arrête. Déménage. Jusqu'à temps que la personne déménage. Et puis après, vous descendez à la cave et vous coupez l'eau. Oh là là là là là là là. Oh là là là là là là là. Ma pauvre Yann, c'est affreux. Et tu sais qu'il y a aussi une chose immonde. Tu attends le premier du mois, chérie. Juste quand il y a la paye et les acédiques qui arrivent. Oui. Et... C'est la crouille qui... Non, il y a le tarpeille qui circule. Non, et tu remplis la boîte aux lettres de daube. Oh là là. Mais toutes ces horreurs, chérie, mes voisins, je te jure, ils avaient du mourant à se faire. Hein. Il fallait être plutôt mon ami que mon ennemi. Parce que je te dis pas, je te le rends effet, mais alors qu'est-ce qu'il fallait comme merde? J'arrivais pas, moi, juste avec la mienne. Alors j'étais obligé de racheter ceux des autres. Et j'ai passé une petite annonce dans Libération, rachète étron, beau étron, gluant, épais, puant, et puis voilà, et puis tout a déménagé, et puis maintenant c'est le quartier de la Goutte d'Or. Et t'as tout le quartier. Et c'est comme ça que vous avez réussi dans la vie finalement. Voilà. Dites-le nous franchement. C'est ça, Anne Sinclair. Bon, 7 sur 7. Enfin. Voilà. On va être bien triste. Oui, alors, je terminais pour dire que le problème qui tue l'amour, c'est surtout la merde, les trucs un peu crades comme ça. Et donc, le truc, pour ne pas être trop bouillant lorsqu'on va faire caca, mesdemoiselles ou messieurs, vous prenez du papier et vous faites un matelas sur les chiottes. Pas un matelas sur la lunette, hein, un matelas à l'intérieur. Vous mettez... Mais c'est super efficace, hein, y a rien 4-5 feuilles, et comme ça, le papier va amortir la daube. Et il n'y aura pas le floc, il y aura peut-être le... Mais ça, on chante un peu. Ah, c'est le grand silencieux, c'est super. Ou, de toute façon, vous pouvez demander à votre meuf, si elle est un peu large, qu'elle serre bien ses fesses pour que ça fasse un peu douille et que ça fasse pas... Parce qu'il y en a vraiment... quand il débourre, il débourre. C'est carrément le... C'est le gros bronze, quoi. Voilà, ouais. Oui, c'est bulldozer. Voilà. Et donc, il faut toujours mettre des feuilles pour bien amortir la merde. Et, ou monter un peu la musique, ou des trucs comme ça. Et si, par exemple, il n'y a pas de papier, là, c'est un peu gênant. Alors, déjà, le premier truc, pas faire de bruit. Alors, vous tirez la chasse en même temps que vous chiez. Et en même temps, vous passez la main et vous frottez bien avec l'eau qui vous reste le cul comme une machine à laver une voiture, tu vois, c'est... À la turque, quoi. Voilà. On y revient toujours. T'attends 2-3 secondes que la mer parte. S'il y a des turcs, ils peuvent appeler Catherine. Voilà. Hein? Ou vous toussez, par exemple. Si vous savez que vous allez péter très fort en poussant la merde... Voilà, alors là, ça couvre le pain. Et puis après, le papier couvre bien la chute de l'étron. Voilà. Bon, je vous ai donné encore un bon cours et c'est le dernier. Puis je vais aller me coucher. Ah non, non, c'est pas le dernier, ne dis pas ça. Bon, bon. Voilà. On va vous laisser, les mecs. Ah, c'était... Vous avez des messages à passer à vos camarades? Ah ben non, tu en as déjà passé des messages personnels. Ah ouais, donc je leur dis bonjour à Steph Kuhn et à Géba, à tous les prépas, tout le quartier latin. Mais vraiment, je sais pas comment on va faire demain. Enfin, demain, si, on pourra encore parler de l'émission d'aujourd'hui, mais... vous a permis de mieux vivre, de mieux rencontrer vos camarades que vous aviez envie de faire, et puis plein de choses, plein de connaissances. Bah, ce jeune homme parti dans une auberge de jeunesse quand même. Ouais. Voilà un jeune homme qu'il me faudrait, tu vois, voilà un jeune homme bien, qui parle à des Allemands. Oh, moi j'étais à Vichy en 40, j'étais très vieux. Alors il me prenait comme ça. Oh. Ça te rentre dedans. Oui, il y avait des officiers allemands, ils me prenaient comme ça. Bon, on prend un dernier appel et on se casse. Ah oui, ouais. Allez. Envoyez la purée. Allô, allô. Il y a de la merde dans le tuyau. Bon, je vous rappelle, en attendant qu'il s'arrange à faire les branchants, parce que alors, je vous dis pas quel bordel avec ces fils partout, c'est une horreur. Vivement qu'on se casse. On dirait une mercerie. Oui, une mercerie. Il y a de bobines de fils. Donc, je vous rappelle que toute la semaine, 24 heures sur 24, vous pouvez rester en contact avec Zaza. Oui, absolument. Mon épouse, oui. Avec moi-même, David. Et vous pouvez nous laisser des messages personnels, privés, que nous lisons personnellement. Vous avez des questions à nous poser, des questions sur l'émission, des questions sur votre sexualité, des questions sur tout ce que vous voudrez. Eh bien, nous y répondons dans les 24 heures. Et tout ceci, c'est sur 3615 TBM, comme très bien monté, 3615 TBM. BM, et vous faites le choix Lune de Fiel. Et sur Lune de Fiel, c'est le service Minitel de la radio où vous avez des tests, un jeu d'aventure où vous pouvez vous apercevoir de votre profil de dragueur, de banturne, d'endive. Et tout ceci 24 heures sur 24 sur le 3615 TBM et vous faites le choix Lune de Fiel. Voilà, nous avons un auditeur, le dernier. Allô? Allô, salut. Bonjour. Salut. Alors, quel est ton prénom? Nicolas. Nicolas. Bonjour, Nicolas. Tu as quel âge? 19. 19. On n'a eu que des 18-19 aujourd'hui, hein. Ah, on a eu un 31 et un 41. Oui, un non, 41, mais le 41, ouais. C'était bidon. Oui, c'était 71. Il avait 11 ans. Et 71, c'est le monsieur qui dort derrière, qui a sa fille en train de la sucer, là. Oui. Alors, Gédéon, arrête. Alors, tu vas me sucer comme la petite Caroline. Tu as le droit de mettre un doigt dans la chatte, Caroline. La petite Caroline. Ah, la petite Caroline. Ah, la petite réjouissance de la petite Caroline. Non, je n'ai jamais fait encore ça avec mon doigt. Je mets l'oreiller et puis je touche comme ça. Et si tu veux, je peux te faire comme maman a fait. Mets-moi les clés de la cave. Mets-moi les clés de la cave. Bon, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi je vais faire un petit cri de jouissance aussi. Ah, formidable. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ah oui, mais il faudrait faire quelque chose que tu as... Je peux même te prendre si tu veux. Ah. Eh bien, ah ben voilà. Et attends, tu m'encules. Je t'encule, ouais. Alors, d'abord, je te suce. D'abord, tu me suces. Alors. D'abord, je te suce. Yo. Ensuite, je te bouffe les couilles. Ok. Ok. Je te descends le long de tes cuisses, je te lèche et tout. Et d'un seul coup, tu me retournes. Tu me doites bien le fion. Hein. On croirait que j'ai juste un vécu, presque. tu me dois. Comme ça. Tu me dois bien le fion comme ça là avec ta main. Et puis tu me pénètres. Mais d'abord tu mets un préservatif. Ouais. Hein? Alors, mais alors donc, ça dure combien de temps? Bah ça dépend de toi. Bah alors moi 2 minutes, ça te va? Ok. Est-ce que je te réponds? Ah oui, il faut qu'il y ait un dialogue. Bah, bien sûr, ouais. Alors, moi je te réponds. Mais alors il faut absolument que tu me parles, que ce ne soit pas uniquement des cris. Ok, ok. Alors, hein, et que tu, j'ai me dises des horreurs et tout. Le prénom et le prénom et après tu m'appelles. Alors, tu m'appelles pas David, tu m'appelles Daisy. D'accord. Parce que je me suis dit que quand j'allais me faire enculer, je m'appellerais Daisy. Et lui c'est comment? Et toi c'est Nicolas. Ouais. Nicolas, allez Nicolas, vas-y. Et moi je regarde, je suis exhibe. Matheuse. Alors je suis en train de te sucer. Mais tu peux me parler, tu peux même m'insulter et tout, hein. Oh vas-y ma Daisy chérie. Oh, non pas si vite pour commencer. Non. Oh voilà. Comme ça. Oh elle est bien belle. Grosse, hein. Oh elle est belle, elle salaud. Est grosse, elle est belle, hein. Oh putain. Elle te plaît. Ouais. Tu l'aimes, celle-là. Dis-moi qu'elle est grosse. Ah, oui. Dis-moi qu'elle est grosse, non, Nicolas. Pas les dents, Daisy. Oh, non, arrête ça là. Pas les dents, je te dis. Oh, non, pas les dents. Oh, pas les dents, j'aime pas chier, voilà, comme ça. Je te la suce bien là. Oui, je te la suce bien. Oh, parle pas, vas-y. Je lui tiens la tête là. Tu sens monter lentement. C'est bon. Ouais. C'est bon. Oui, ma Daisy. Fais-moi les seins, salaud. Fais-moi les seins, tu profites de mon corps. Ah, dis donc, tu suces comme une reine, ma sœur. Tu veux que je continue là? Je t'assiste bien comme ça? C'est bon. Retourne là. Je t'ai dit pas les dents, Non, Nicolas, non. Oui. Je te jure. Tu vis comme un pouce là? Non, ne jouis pas tout de suite, Nicolas. D'où tu les couilles? Tourne-toi. Tourne-toi. Oui. Tiens. Non, attends. Va doucement là, tu vas me faire jouir, salaud. Attends, je vais me mettre à quatre pattes. Je vais me mettre à quatre pattes. Ouais. Tu la sens. Tu vas la mettre là? C'est bon. Tu vas la mettre, non? Attends, un peu, va doucement. Oh, va doucement. Doucement, Nicolas, salaud. Ouais, t'en profites. Hein. Je t'ai pas payé ton loyer. Je t'aime. Je t'aime, Nicolas. Je t'aime, chérie. Je te donnerai de l'argent. Tu me quitteras pas, hein, Nicolas. Tu me quitteras pas, salaud. Hein? Est-ce qu'il est bon, mon derrière? Il est bon, hein, t'es au chaud, hein. Génial, mon chéri. C'est divin, non? C'est génial. Hein, salaud? Tu vas pas jouir, non, encore? Ça y est, j'ai joui. Non, attends, laisse-moi me branler, là. Oh, vas-y, continue à limer, là, que je sens bien. Voilà. Pousse-moi encore. Mets-moi des grands coups. Mets-moi des grands coups, là. Nicolas, salaud, mets-moi des grands coups. Mets-moi des grands coups. Oh là là, et chérie, le rouleau de sopalin à Catherine, s'il te plaît. Allez, elle est prête là, elle est prête pour la semaine prochaine. Oh là là. Ne lèche pas, Catherine. Ne lèche pas, enfin tu ne sais pas le test de ce jeune homme. Tu as pris 3 giclées dans la gueule. Dès que j'ai envoyé la purée, elle a mis sa bouche, cette grosse pute. Tu as pas vu que le sperme était marron? Hein? Tu n'as pas vu que le sperme était avarié? J'en ai dans l'œil, tu te rends compte là déjà? C'est un cancer de l'œil. C'est très rare les cancers dans l'œil. Bon, alors, est-ce que ça t'a plu? Ah, c'était génial. Non, c'est pas là, c'est Nicolas. Tu étais divin. C'était divin? Ben oui, mais faudrait que tu viennes la semaine prochaine pour... Ah oui, carrément, concrétiser. Il est tout essoufflé, là. Tu m'encules en direct. Ah ouais, il y a de quoi, putain. Je suis capable de me faire enculer en direct. T'es capable? Ouais. Même par moi? Bien sûr, il faudrait voir le colis. Il faudrait voir le colis. Tu es joli garçon? Pas mal. Ah. Et t'es homosexuel ou hétéro? Bah, les deux. Parce que j'aimerais que ce soit quelqu'un qui... Alors tu pourras nous faire Catherine et moi quand même aussi. Tout le monde, toute la station, il n'y a pas de problème. Et Gédéon, et la chèvre. Et la pitié. Et et la rouleuse. Et la rouleuse aussi. Ouais. Bah voilà, qui est une petite caille. Et la chèvre. La chèvre, pourquoi pas. Bon, bah voilà. La chèvre. Bah, si tu veux venir la semaine prochaine, tu nous appelles au standard. Je vous appelle au standard si tu veux venir. Et tu demandes Nicolas. Et tu ne fais ma part. Tu demandes Nicolas, il communiquera. Le secrétaire de David s'appelle Nicolas. Il est au standard, c'est lui qui va décrocher, appelle tout de suite. Et tu dis je veux venir ou je veux pas venir, et puis voilà. Okay. Et on t'invite la semaine prochaine, comme tu es un garçon fort sympathique, et tu repartiras avec un t-shirt. C'est... Okay. Oh, sympa, j'avais écrit en plus pour l'avant. Voilà. C'est un avis de recherche qui est formidable, qui est émouvant, Chantal. Ça me fait très plaisir. Hein? Vraiment, ça a été très très émouvant. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je serai là la semaine prochaine pour faire le test de la Venturne, la Endive, la Pinosse, la Chanteuse et faire aussi conseil à toutes les jeunes filles et jeunes miennes qui veulent rencontrer leur sexualité. Voilà, c'est Nicolas. Pourquoi je t'ai appelé Ludovic ? Nicolas. Bon, tu appelles là-bas, chérie. Ouais. Ah oui, et Nicolas. Puis, à la limite. Tu ne vois pas le coup, même hein, Nicolas. Si tu veux qu'on fasse une répétition. Oui, voilà, très bien. Si tu veux. On fera une couturière. Si tu veux qu'on fasse une répétition. Avant la générale. Si tu veux qu'on fasse une répétition dans la semaine. Parce que moi j'aime lorsque ça se fait en direct, il y a quand même. Non, mais il faut qu'il y ait quand même les photos, les reportages sur le tournage. Je suis dans ces cas-là alors. J'ai vendu Nicolas 500 000 francs. Le reportage à Paris Match. À Paris Match. Je t'en donne 30 000. Ok. Moi je garde 74-110 000 parce que c'est moi qui me fais enculer. Plus personne va me parler donc il y a quand même un préjudice. Ah bah ça, on t'a le pas aux enculés. Et puis toi tu te feras un petit 30 000, on te prendra de dos, on verra pas ton visage. De toute façon. Ça nous intéresse pas. On veut voir simplement l'entrée, l'intérieur, les plis. Oui, ça c'est vrai. Le va-et-vient dans mon cul-vagin. J'ai un très très beau cul-vagin, Nicolas. Et tu verras ça la semaine prochaine, je te le montrerai. Ok. Voilà. Bon, bien, à très bientôt. Ok, bah alors. Et puis prochaine. Nathalie et moi, voilà. On prendra en gueule, là, comme c'est ça. C'est pas Nathalie, voilà. C'est pas Catherine, Nathalie. Catherine, oh. Catherine. Mais pourquoi tu l'appelles Nathalie? Parce que son vrai nom, c'est Nathalie, enfin. C'est son nom de comédienne. Ah, d'actrice. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission... Vérité. Pour une émission vérité. Ce sera la dernière. J'espère qu'elle sera très, très, très chaude. Je vous rappelle que vous pourrez nous appeler. Notez bien le téléphone pour la semaine prochaine parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Mais nous répondrons bien avant le départ de l'émission pour pouvoir avoir le temps d'en sélectionner de très, très bons. Et j'aimerais quand même que pour la dernière fois, pour nous remercier d'avoir fait cette émission, de vous avoir aidé pendant 3 ans à vivre votre sexualité, comment les personnes qui nous appellent aient vraiment quelque chose à nous raconter, à des choses intéressantes, qui puissent nous appeler, nous parler de l'émission, nous parler de leurs fantasmes, de ce qu'ils ont pu rencontrer grâce à nous, des anecdotes sur l'émission, voilà, bon ben, plein de choses. Et ça, notez le téléphone 43. 57 69 70 43 57 69 70 et évitez de nous appeler simplement si vous avez envie de cun parce que au moins qu'on prenne pas l'antenne pour parler de choses qui sont totalement inintéressantes. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 22h, ce sera la dernière émission. Si vous désirez nous écrire, David Desaza, Lune de Fiel, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. David Desaza, Lune de Fiel, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'était l'avant-dernière émission. Ah, petit Desaza, tu vas aller... On va aller là ? Ouais. Ah, t'en peux plus là, tu vas coucher là, hein, t'es fatigué, hein. Bon traitement de fatigue. Très beaucoup fatigué, David, et pas frais en ce moment. Vu à David, ça y est, à l'Oscaramouche, ça y est, à David, à Cécile Sorel, ça y est, à vu à pas fraîche, ça y est. Déjà à l'époque du fiacre, il faisait le gigolo. T'as 30 ans. Elle avait 34 ans, ça y est. Elle a connu en Égypte, elle a mis un gate, ça y est. Maintenant, elle dit 30 ans dans le journal, c'est pas fraîche, ça y est. Je connais parfaitement David. Et en aucun cas, je peux vous dire, en aucun cas, quelque chose est rentré dans son derrière sans argent. Oui, ah ben moi je l'ai connue, oui, cette petite juive, elle se faisait enculares du genre, tout simple, combien la Clichy. Combien elle prenait? Oh, elle avait la clientèle rupine, toutes les vedettes, les gens de la politique, oui. Et alors elle s'est vraiment fait enculer. Oh, elle arrêtait pas. Elle en mettait des fois 4, elle mettait du papier carbone. Non, je suis dépositaire du nom quand même. Voilà, oui, oui. Ah, oui, oui, il n'y avait pas encore les photocopies. Alors elle faisait ça comme ça, ça comme. Oh, c'était une enculée de première. Mais sa mère était enculée déjà de métier, d'une famille. Elle est partie faire pipi, c'est pour ça que vous dites du mal d'elle. Elle est très méchante, la dame, là, non? Et puis elle est vieille. Elle est plus vieille que vous. Vous êtes ridée, on dirait un millefeuille. Vous êtes très, très méchante, madame. Parce que David, il a jamais rentré quelque chose. Oh, moi, je suis pas sûr. Il fait le truc. Non. Oui, si, si, l'autre jour, il a mis le balai. Vous êtes méchante, même, parce que vous êtes vieille et votre traitement vous fatigue. Il faut vous mettre comme mon papa. Du synthol sur vos jambes avec un gant de toilette. Ah non, j'en mets jamais. Vous avez les jambes gonflées. Je mets du miel. Vous avez les jambes gonflées. C'est mon artérite et vous êtes bien jalouse. Parce que vous n'êtes pas à 100% à la sécurité sociale. Moi, j'ai le 100%. Vous faites... Et suis chez le député aussi. Vous faites des prurites. Vous faites du synthol vous avec... C'est... Et là, c'est quoi, là? Cette part de wetch. C'est des vicars. Ah ben, vous n'avez pas beaucoup travaillé. Ils sont sur mes genoux, mes escarres, c'est parce que beaucoup je me mets à genoux. Oui, ah ben ça, je sais bien ce que vous faisiez, la dame du 12, elle me l'a dit. J'étais carreleuse. Ah, c'est pas, ben vous étiez sur le carrelage, mais il y a quelque chose dans la gueule tout le temps, hein. Non, vous êtes une vieille salope, moi je vais vous dénoncer. Ah, moi je vais le dire. Que... La sécurité sociale, vous n'aurez plus vos 100%. Eh ben vous devriez vous mettre un peu de synthol sur vos jambes, ça vous permet.